Hello and welcome, bonjour, c'est La Croisière Folk dans votre radio. C'est une émission qui a comme but de vous faire découvrir toutes les facettes de la musique folk. C'est une croisière, donc c'est un voyage. Alors installez-vous confortablement et peut-être avec votre boisson favorite, du thé, du café, une infusion, que sais-je. C'est vous qui choisissez. Au programme aujourd'hui, eh bien, sachez-le, il y aura beaucoup de musique. Il y aura notre séquence 1, 2, 3 qui va vous faire découvrir un album. Et aussi, je tiens quand même à vous signaler que si vous avez envie de laisser un message vocal à cette émission, eh bien, vous allez sur notre page Facebook qui s'appelle La Croisière Folk et vous verrez que j'ai fait un petit post dans lequel il y a toutes les instructions pour vous permettre de gratuitement nous laisser un petit message qui peut-être nous servira de jingle et que nous diffuserons. L'adresse lacroisierefolk@yahoo.com. If you want to leave a message, a voice message, just go to our Facebook page and I put a post with all the instructions and how to do it. So do not hesitate to visit our Facebook page and like it, of course, our Facebook page La Croisière Folk. Et j'oublie aussi, hein, n'oubliez pas bien sûr de liker notre page. On a démarré avec The Pogues, Whiskey, You're the Devil. Et c'est un extrait de leur album en live à la BBC lors de l'émission de John Peel, The John Peel Show, en décembre 84. Nous allons poursuivre avec Daniel Joseph Lavoie et sa chanson Cuvée des rêves. Cet extrait de son troisième album, Loin des interférences. C'est un artiste québécois que je vous invite à découvrir sans tarder. Une québécoise ensuite avec Rêver d'autre chose. Extrait de son premier EP, Celle qui se doit. Et puis du belge avec Jan van Brusselband et Belle Musique, autrement dit Mooie Musique. Allez, je vous souhaite un bon voyage parce que chez nous, sachez-le, il y a du folk à tous les étages. Et sur la terrasse, allez, je vous le laisse en mille, il y a des bananes. The funky spaceman over here is Mr. Cooper. Thank you. sur son banc, enroulé dans son manteau mité. Il cuve et redoute le lever du soleil. Étouffé par le fil du temps, perdu dans son corps ravagé, il avale les dernières gouttes des rêves de la veille. Fatalement, le soleil n'a pas bonne mine. Le présent se fait long au revers de fortune. Faudra une bouteille, la piquette n'est pas une fine, mais une belle compagne pour hurler à la lune. Au matin, rideau de brume, des quotidiens, de l'indifférence, des passants pressés sur les trottoirs. Assis sur son banc, le siège de ses espérances, de ses rêves entassés au quai de la nuit. Reviennent les amours dans l'ombre des lampadaires, abattre son cœur sur le pavé des regrets. Les souvenirs trop lourds encombrent ses artères, une sourde douleur qui ne meurt jamais. La piquette m'endort, toi tu me réveilles encore. Ce soir-là, sans rien dire, t'es parti. Ça fait déjà plusieurs mois qu'on ne se parle presque plus. Est-ce qu'on s'est perdu? D'amour et l'argent, de déception, la solitude. Moi j'ai pris mes distances, mais je garde toujours un œil sur toi. Je ne veux pas qu'il ne t'arrive quoi que ce soit. Amitié tatouée sur le cœur. zacht valt de deur in het slot. De weg is hij kwijt, wat hij zoekt is een shot. Zo helder het water, zo troebel zijn blik. Als hij slentert langs ramen, zegt hij zacht, dit ben ik. Hij ziet zichzelf lopen, maar ze zien hem niet staan. Wat hebben ze toch met zijn leven gedaan? Zoveelste keer ging het mis. Hij vraagt zichzelf af of dit het nu is. In het licht van de maan is hij niet meer alleen. Hij loopt zijn tranen weg, maar hij weet niet waarheen. De kroeg is dichtbij, maar van binnen de haat die nooit zal verdwijnen, want ze zijn uitgepraat. Mooie muziek, mooie muziek, jij met me mee, oh mooie muziek. Een rugzak vol verhalen, een tas vol met bier. Mooie muziek, zegt hij, mooie muziek is er hier voor jou. En alles werd anders, hij deed zijn ogen dicht. Slechts twee woorden, maar het klonk als een gedicht. Mooie muziek, zei hij, en daar bleef het bij. Dit moment zal hij nooit meer vergeten. Ze keken elkaar nog eens aan. Nog even bleef hij staan voor mooie muziek, mooie muziek. Jij met me mee, oh mooie muziek. Een rugzak vol verhalen, een tas vol met bier. Mooie muziek, zegt hij, mooie muziek is er hier voor jou. La la la la, la la la la. Vous écoutez La Croisière Folk et croyez-moi, vous avez bien raison. Tout de suite, voici notre chronique 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Wow, oh, oh, wow, oh, oh. Aujourd'hui, dans cette chronique 1, 2, 3, qui vous permet de découvrir un album en 3 chansons, eh bien, nous allons découvrir l'album du duo de Simon et Garfunkel, Live 1969, un album que, bien qu'enregistré en 69, eh bien, est sorti en 2008. Alors, qui était Simon et Garfunkel? Eh bien, pour ceux qui ne le savent pas, c'était un duo folk-rock américain composé de Paul Simon et du chanteur Art Garfunkel. Ils ont été l'un des groupes musicaux les plus vendus dans les années 60 et leur plus grand succès, dont The Sound of Silence en 66, Mrs. Robinson en 68, The Boxer en 69 et Bridge Over Troubled Water en 1970 ont atteint la première place des classements de singles dans le monde entier. Alors Live 1969, en fait c'est leur quatrième album live de ce duo, donc Simon et Garfunkel. Il s'agissait d'enregistrements en direct réalisés lors de leur dernière tournée nord-américaine avant la sortie de l'album Bridge Over Troubled Water. 15 des 17 titres de l'album sont inédits, à l'exception des titres de For Emily, Whenever I Find I May Find Her et Cathy Song, qui figuraient toutes les deux, donc toutes ces deux chansons, sur l'album Greatest Hits de 72. Live 1969 est d'abord sorti en exclusivité chez Starbucks, où peut-être vous nous écoutez en buvant votre café, le 25 mars 2008. Avant d'être commercialisé dans le commerce en avril 2009. Il a ensuite été inclus en tant que deuxième CD dans l'édition 3 disques du 40e anniversaire de cet album, donc Bridge Over Troubled Water en 2011, puis publié dans le cadre de Simon & Garfunkel, The Complete Album Collection en 2014. Alors, l'album live le plus connu, je pense, de ce duo Simon et Garfunkel, c'est bien sûr le concert à Central Park, qui a été en fait le premier album live de ce duo. Il est sorti le 16 février 82, il est enregistré en septembre 81, devant 500 000 spectateurs. Oui, c'est à peu près le nombre de gens qui nous écoutent. Et on écoutera « Why don't you write me Mrs. Robinson et Leaves that are green ». Voilà le programme pour cette chronique 1, 2, 3. 1, 2, 3 Stroll around the grounds until you feel it. at home. And here's to you, Mrs. Robinson. Jesus loves you more than you will know. Whoa, whoa, whoa. God bless you, please, Mrs. Robinson. Heaven knows a place for those who pray. Hey, hey, hey. Hey, hey. Where no one ever goes. Put it in your pantry with your cupcakes. It's a little secret, just the Robinson's affair. Most of all, you've got to hide it from the kids. Who could you, Mrs. Robinson? Jesus loves you more than you will know. Whoa, whoa, whoa. God bless you, please, Mrs. Robinson. Heaven holds a place for those who pray. Hey, hey, hey. Candidates debate. Laugh about it, shout about it when you've got to choose. Every way you look at it, you lose. Where have you gone, Joe DiMaggio? A nation turned its lonely eyes to you. Woo-hoo. What's that you say, Mrs. Robinson? Joking Joe has left and gone away. Hey, hey, hey. Dans 1, 2, 3 aujourd'hui, je vous ai fait découvrir le quatrième album live de Simon et Garfunkel, enregistré en 69 mais sorti en 2008. On a écouté trois morceaux, Why Don't You Write Me, Mrs. Robinson et Leaves That Are Green. Allez, vous le savez que nous avons un partenaire pour la poésie, c'est Tali Envolée. C'est une association belge qui a pour but de rendre la poésie plus accessible. Allez sur leur site talienvolee.be, T-H-A-L-I-E, comme ça vous le savez. Et on écoutera un poème de René Vivien, écho d'une grande voix, interprété par la comédienne belge Julie Verley. Et juste après, eh bien, Cazzy Campbell avec Cherokee Lady, un duo avec Bobby Osborne, Amber Rubarth, New York, et puis April Virch, Long Way Home. Si vous avez envie de m'écrire, parce que vous avez peut-être envie, vous êtes artiste folk et vous vous dites, mais moi aussi j'ai envie de passer dans l'émission, lacroisièrefolk@yahoo.com. Écho d'une grande voix. Ne vois-tu rien parmi les nuages du soir? Ouvre les yeux, afin de voir et de mieux voir. Je regarde sans voir. Ne vois-tu rien venir de ce que tu redoutes? Je regarde et je vois la poussière des routes, les nuages du soir. Ne vois-tu rien venir cependant? Ah! Regarde, regarde! Penche-toi, pleure, prie et regarde! Je vois venir le soir. Stars in the sky. So I sat up at the top of the tree. And everybody else was dancing free. Everybody else. I've seen strong men crawl and babies rise. Ridden on the last train out to Brooklyn late at night. Snuck in with the water on my feet. And everybody else was fast asleep. Everybody else. Te dire un truc. Les hommes, c'est comme la maison. S'il n'y a pas de fondation, tout s'écroule. À l'instant, dans la croisière folk, c'était April Virch avec Long Way Home et tout de suite notre petite séquence. Évadez-vous. Voyage, voyage. Évadez-vous, c'est normal, vous êtes dans une croisière, donc on vous fait découvrir quelques endroits dans le monde. Est-ce que vous nous écoutez depuis le Népal? Parce que c'est possible, hein, vous savez, sur, grâce à Internet, on peut nous écouter un petit peu partout. Et j'ai envie de vous en parler un peu du Népal, en me basant sur le livre de Lonely Planet, Le Monde. C'est super bien comme bouquin, parce qu'en fait, vous pouvez découvrir tous les pays du monde, et qui sait, ben, peut-être ça va vous encourager à voyager. Le Népal, donc, s'étire entre les hauteurs de l'Himalaya et les jungles étouffantes des plaines indiennes. Royaume des Sherpas, c'est le pays des pics enneigés, des yaks et des yétis, des monastères et des mantras. Alors, qu'est-ce que vous pouvez aller voir hein, si vous allez au Népal? Par exemple, le Durbar Square à Katmandou, émaillé de splendides temples, pagodes, pavillons et sanctuaires médiévaux, le centre historique du vieux Katmandou est un musée architectural à ciel ouvert, jadis habité par la famille royale. Durbar Square est le cœur spirituel de la ville et le cadre de plusieurs grandes fêtes. Elle abrite toujours la Kumari, la déesse vivante de Katmandou, durement frappée par le très important séisme de 2015. Les bâtiments et monuments de Durbar Square sont depuis l'objet de travaux de réhabilitation. Et puis, il y a le trek du camp de base de l'Everest. Il est apprécié par de nombreux visiteurs. Ce trek de 2 semaines vous emmènera au pied du plus haut et du plus célèbre sommet du monde. Si l'on aperçoit le mont Everest qu'épisodiquement, on profite en revanche largement du paysage inoubliable qu'offre l'Himalaya. La splendeur du Pumori ou de l'Ama d'Ablam, nimbé de soleil, vous fera oublier les migraines dont souffrent souvent les randonneurs. Et si on s'y bouscule en octobre, l'hospitalité des lodges et des sherpas reste intacte. Le Népal, c'était le pays qu'on visitait aujourd'hui. Et c'est un extrait de Le Monde, de Lonely Planet. C'est le seul guide de voyage qui ouvre tous les pays du monde. Donc voilà, pour les longues soirées d'hiver, vous pourrez partager, peut-être vous faire plaisir à vous, partager en famille, ou si vous avez des enfants, peut-être leur faire découvrir le monde et leur ouvrir un petit peu l'esprit. Allez, tout de suite, voici Trian, le chasseur de temps, les marins d'Iroise qui nous parlent des filles de l'Orient qui, paraît-il, sont très jolies. Donc, si vous avez des photos des filles de l'Orient, n'hésitez pas à m'envoyer quelques-unes. Et il y aura aussi Howie MacDonald avec The Willow Tree. Bienvenue, c'est la Croisière Folk. Le capitaine vous souhaite un excellent voyage. Et si je peux rendre votre voyage plus agréable, n'hésitez pas, bien sûr, à me le dire. Bonsoir, le Seigneur. Nous étions 30 pèlerins embarqués à Glasgow, voguant sur un trois-mâts carré pour la paix de Wicklow. Il y avait à bord un vieux matas, il est de Chiridé. Il m'a raconté son histoire, il en avait ronflé. All the way, all the way, all the way, all the way, à vous les cœurs. All the way, all the way, all the way, all the way. Quand j'étais guide à marier, m'en allant chevaucher, devant une HLM, un soir, je vois une bonté. On s'est branché d'un seul regard et roulé un patin. Elle sentait bon l'eau de l'enfant, mais Dieu que c'était bien. All the way, all the way, all the way, fait all the way. All the way, all the way, all the way, fait all the way. On a gribouillé tout le jour dedans les champs des potes. Je y ai dit, mon petit bouchon, on est fait l'un pour l'autre. Je vais chevaucher toute la nuit, dire adieu à ma mogne. Je reviens au petit matin et je serai ton homme. Ouais! All the way, fell all the way. All the way, all the way, all the way, fell all the way. Il n'était pas minuit sonné, cavalant dans la zone. Vient un boucan d'un dépotoir, une lumière jaune. Une concentre de motards, ils étaient bien 300. Tout harnaché de cuir noir et casque rouge sang. All the way, all the way, all the way, fell all the way. All the way, all the way, all the way, fell all the way. Je n'ai jamais pu arrêter mon courant abondant. Coursant à Donf les BM et les Kawa 500, je ravageais les terrains vagues entre les algécos, dégoulinant de fleurs glacées jusque sur les canaux. All the way, all the way, all the way, fait all the way. All the way, all the way, all the way, fait all the way. Thank you. jugé de ma mort, j'avais fait le serment. La nuit était interminable, et barbouillée d'éclairs. La foudre a buté mon cheval et m'a jeté à terre. Holloway, Holloway, Holloway, fait Holloway, Holloway, Holloway, Holloway, fait Holloway. Je mis à l'aube à mon réveil la jupe de ma belle. Elle était là, me souriant, fallait voir ma gazelle. Les dents pétées, les crins blanchis, vieux pot au feu minable. J'avais durant 60 années bourré derrière le diable. Holloway, Holloway, Holloway, Holloway, fait Holloway, Holloway. Oh, yeah. C'est la croisière folk que nous écoutons, que vous écoutez, bah nous aussi, moi aussi je l'écoute forcément puisque je la fais, et on poursuit avec Nicky Matheson, la chanson des livrets. Alors Nicky Matheson est d'origine écossaise, de mère canadienne-française et d'un père écossais qui était bilingue. Elle a participé à des projets folk tels que Excalibur et Celtic Dreams et a travaillé avec des groupes et des artistes tels que Malicorne et Dan Arbraz, mais aussi collaboré avec Georges Moustaki, Rock Voisine, Charlie Couture, Fairport Convention, Urban Sax et le violoniste écossais Johnny Cunningham. Et puis Ralph McTell avec Michel, extrait de Rubber Folk, a folk tribute to the Beatles, un album sorti en 2016. Je ne suis pas curieux de nature, mais vous seriez content d'être un peu mis au courant. Voilà. La porte, Nanette, ma jolie, j'ai un beau foulard à vous présenter. Ouvrez-moi la porte, laissez-moi rentrer. Mon père est en chagrin, ma mère en grande tristesse, et moi je suis fille de trop grand merci. Ouvrez ma porte, restez ici. Ouvrez la porte, Nanette, ma jolie, j'ai un bon mouchoir à vous présenter. Ouvrez-moi la porte, laissez-moi rentrer. Mon père est en chagrin, ma mère en grande tristesse, et moi je suis fille de ton grand merci. Ouvrez ma porte à cette heure. À vous présenter, ouvrez-moi la porte, laissez-moi rentrer. Mon père est en chagrin, ma mère en grande tristesse, et moi je suis fille de ton grand merci. Ouvrez ma porte à cette heure ici. Ouvrez, ouvrez la porte, Nanette, ma jolie. J'ai un bon mari à vous présenter. Ouvrez-moi la porte, laissez-moi rentrer. Mon père est en chagrin, ma mère en grande tristesse, et moi je suis fille de bien grand merci. Mais j'ouvrirai ma porte pour ce beau mari. Michel, my bad, these are words that go together well. My Michel, Michel, my bad, sont des mots qui vont très bien ensemble. I love you, I love you, I love you. That's all I want to say. Until I find a way, I will say the only words I know that you'll understand. Michel, ma belle, sont des mots qui vont très bien ensemble, très bien ensemble. I need to make you see how what you mean to me. But until I do, I'm hoping you will know what I mean. Mm-hmm. I want you, I want you, I want you. I think you know by now I'll get to you somehow. But until I do, I'm telling you so you'll understand. Michel, ma belle, sont des mots qui vont très bien ensemble, très bien ensemble. And I will say the only words I know that you'll understand, my Michel. Et voilà, c'est ici que nous allons nous dire au revoir. Merci à tous pour votre fidélité, vous qui nous suivez fidèlement depuis peut-être la toute première émission. Et sachez que je suis très heureux hein, de vous qui êtes là présents chaque semaine à nous écouter, peut-être parfois à faire des commentaires, à m'envoyer des petits mots. C'est la 165e émission. Alors, en fait, pour la petite histoire... Les 5 premières émissions étaient sur Mixcloud et ensuite il y a une radio qui m'a dit yeah, on veut diffuser, et puis il y a d'autres radios qui ont demandé, et donc aujourd'hui on est un petit peu partout. Et voilà, je trouve que c'est important parce que le folk n'est pas tellement présent dans les radios, donc une émission de musique un petit peu différente est toujours quelque chose d'assez utile. Et on va se quitter avec Frank Christian, Dancing in the Kitchen, c'est une chanson pour enfants. Moi, je vous quitte. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous retrouve la semaine prochaine. Que la force soit avec vous et avec tous les autres. Et puis, comme je dis toujours, à très bientôt. I'll be back. Faites pas des tarifs pour les fonctionnaires, les intermittents, les précaires, tout ça. That's our cue. Step into the kitchen, see what we can do. You can hand me a spoon, hand me a bowl. Turn on the radio, we're ready to roll. We're making chicken and dumplings. The dumplings sit on top. Did you add the carrots? If not chop, chop, then you can grab a pepper mill. Give it a turn once or twice. Sprinkle on paprika, that sure look nice. Mommy takes the beans, throws them in the pot, adds a little water, steams them to the hot. Then daddy takes those beans, gives them all a butter pass. Puts them on the top shelf, says that's that. Dancing in the kitchen, all the families here jump to the left. We're dancing in the kitchen, music's cooking, everyone's a chef. We're dancing in the kitchen, all the families here jump to the right. I think we might be dancing in the kitchen all night. Take a piece of shortcake, we put it in a dish. Pile up some strawberries anywhere you wish, and plop on lots of whipped cream. Don't be a fool. Put it in the icebox, keep it really cool. dancing in the kitchen, all the family's here. Jump to the left. Dancing in the kitchen, music's cooking, everyone's a chef. We're dancing in the kitchen, all the family's here. Jump to the right. I think we might be dancing in the kitchen all night. Well, dinner's almost ready. It's almost